Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je voudrais traiter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est bien évidemment les drapeaux noirs de l'armée du Mahdi. À chaque fois que je vois ces drapeaux, à chaque fois que je vois ces armées et ces différents groupes à travers les quatre coins du monde, je suis complètement déstabilisé et ému de voir avec quel courage ils soulèvent ce drapeau et jusqu'à où ils sont capables d'aller pour rétablir la justice et la parole d'Allah à travers le monde. Il y a quelques années, j'ai fait des recherches en fait concernant tous les groupes en fait rebelles et dissidents à travers le monde, et les États-Unis, l'Europe ainsi que les sionistes ont réalisé une liste de plus de 600 groupes qu'ils appellent terroristes. C'est une liste rouge tout simplement. Et parmi ces 600 groupes qui sont reconnus officiellement à partir d'un moment où ils dépassent un niveau de dangerosité, ils figurent sur ce groupe, sur cette liste, comme par exemple Al-Nostra. Ils ont été rajoutés il y a environ un mois et demi. Je me suis rendu compte, après avoir étudié cette liste, que la majorité, si ce n'est voire la quasi-totalité de ces groupes, sont d'inspiration islamique en fait. C'est-à-dire que c'est des groupes musulmans. Il y en a très peu qui combattent l'Empire et le système pour d'autres causes. On peut retrouver par exemple le PKK, je crois des groupes colombiens, des groupes d'Irlande du Nord, des groupes en Espagne, l'ETA, un certain nombre de groupes comme ça, une dizaine. Mais la quasi-majorité, voire la totalité, au moins 80% des groupes sont des groupes musulmans en fait. Donc ça confirme ce que Pierre Hillard avait fait comme analyse sur le nouvel ordre mondial et sur le fait que le seul obstacle face au nouvel ordre mondial, c'est l'islam et les musulmans, avec leurs livres sacrés, le Coran et la Sunna, ainsi que les savants authentiques à leur tête. Donc ces groupes-là sont un véritable problème pour le système. Le système n'arrive toujours pas en fait à trouver des solutions pour déstabiliser et pour vaincre ce type de groupe, tout simplement parce qu'ils sont extrêmement bien organisés, ils connaissent très bien leur ennemi, l'Occident et les États-Unis, et ils savent utiliser des techniques de guerre pour pouvoir déstabiliser n'importe quelle armée du monde. Comme par exemple ce qui s'est passé en Afghanistan avec les talibans qui ont réussi à résister face à 300 000 hommes, plus les dizaines de milliers d'autres hommes qui venaient des cinq continents du monde. Ils étaient face aux plus grandes technologies militaires, avions de chasse, chars, radars, lunettes, pour voir dans l'obscurité. Et malgré tout ça, ils ont pu vaincre les États-Unis et les faire sortir d'Afghanistan, tout simplement parce que les techniques utilisées, en fait, c'est des techniques de guérilla. Et la guérilla, c'est un véritable cauchemar pour l'Occident. Elle consiste, en fait, à procéder à des opérations ciblées, très rapides, soudaines. Une fois que ces opérations sont terminées, les groupes se dissimulent dans la population qui les protège, qui est de leur côté. Donc l'ennemi en face ne peut rien faire, si ce n'est créer des massacres au niveau de la population, ce qui va encore plus engendrer de la haine et de la colère, et qui va grossir les rangs de ces groupes de dissidents, de rebelles. Face au pouvoir oligarchique établi. Donc, sur la liste rouge de ces groupes, environ 500. Avant, ils avaient tous leur couleur, leur slogan, leur commandant. Mais depuis quelques mois, on constate un fait assez remarquable, c'est que aujourd'hui, ils se cachent tous derrière, ils se sont tous rangés derrière le même drapeau, celui du drapeau noir. Ils ont également un message en commun, celui du tawhid. Ils ont réuni leur force face à un ennemi commun. Et ils utilisent tous la même méthodologie face à cet ennemi. Et les populations sont de leur côté. Et voilà, toutes ces choses-là font vraiment plaisir parce que ça confirme une nouvelle fois les prophéties du prophète alayhi salatu salam, qui a dit que à la fin des temps, il y a une armée qui allait sortir avec des drapeaux noirs pour préparer la sortie du Mahdi. Et cette armée, quand on la verra, il faudra qu'on, déjà probablement qu'on essaie de la rejoindre. Et surtout, ça sera une armée qui sera imbattable. Personne ne pourra l'arrêter. Et on peut voir actuellement, depuis ces 2 dernières années, que la prophétie se réalise. Encore une fois, la véracité des paroles du prophète alayhi salatu salam s'observe sur le terrain. Et voilà, donc c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je souhaitais souligner le fait que ces groupes-là, je parle là aux gens qui sont à fond dans les théories du complot ultra-conspirationniste, qui en abusent. Ces groupes-là ne sont pas du tout financés par l'Occident. Ils gênent les États-Unis, ils gênent l'Empire dans leur projet. Ce n'est pas du tout des mercenaires financés par les sionistes pour leurs propres intérêts, pas du tout, au contraire. Ils gênent énormément les sionistes dans leurs agendas. Et voilà, de toute façon, on les reconnaît avec le temps, en observant leur visage, leur regard, leur motivation, en écoutant leurs savants authentiques, en écoutant les paroles, leurs paroles et leurs messages, ce qu'ils veulent, ce qu'ils réclament. Et c'est un grand espoir pour toute l'humanité. Ça va passer par des grandes guerres, malheureusement. Il faut passer par là parce que l'Occident ne veut pas du tout négocier. Et vous avez pu le voir avec le cas du Mali. Et voilà. Donc il faut garder espoir. Il faut pas insulter ces groupes-là de terroristes, de khawarij, comme certains imams de France ou d'Europe le font. C'est une aberration. Il faut pas soutenir les gouvernements occidentaux qui vont attaquer ces peuples et ces groupes. Enfin voilà, en résumé, ce que je voulais dire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.